R.I.G. Oh, la marche, c'est vachement plus lourd de Nexo. In R.I.G. 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Laisse donc un peu les filles. Allez, marche! Ah! Si vous cherchez la bagarre. Regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric. Bienvenue à toutes et à tous sur l'antenne de RIG 90.7 sur Bordeaux et le RIGFM.fr partout all over the world. Comment allez-vous? Je suis très très très heureux de vous retrouver ce soir. Avant-dernière émission de l'année 2019, pour mieux encore se retrouver en 2020, mais vous inquiétez pas, hein, les deux heures ne sont pas encore passées. Il y en a encore une la semaine prochaine. On va en profiter, bien entendu. J'espère que tout va bien. Ce soir, je vais vous proposer une émission live. Oui! Il n'y a pas longtemps, il y a le coffret Olympia Story 1961-2000 qui est sorti chez Universal. Et ce soir, je vais vous proposer de repasser un peu ces Olympias-là. Mais pas tous, non, non. Uniquement ceux que la majorité ne connaissent pas, du genre Olympia 1961. Il y aura aussi un inédit, hein, avec quelque sorte inédit, du moins une reprise remasterisée de la musique Kurumba de 1962. On retrouvera également une nouvelle version stéréo de l'Olympia 1964 qui ressemble à la nouvelle version de 2003, mais la seule chose qui change, ce sont les dates. Voilà, des versions alternatives. Du genre, une chanson a été chantée le soir sur la version de 2003, le 7 février, et bien là, sur la nouvelle version, bien, elle a été chantée le 8 février, par exemple. Voilà. Il y aura aussi l'Olympia 1972, hein, avec le concert pour le soutien à la LICA, et aussi le concert de l'Olympia avec le titre inédit qui est ressorti il n'y a pas longtemps, le 1er décembre, lors de la projection de Johnny Hallyday au cinéma à l'Olympia. Quelques cris, et aussi, nous aurons aussi les duos, tous les duos, qui figurent aussi sur une nouvelle compilation qui est sortie le 6 décembre, c'est Un soir à l'Olympia, où on retrouve un best-of de Johnny à l'Olympia sur deux CD, et aussi un DVD avec tous les duos de l'Olympia 2000, et avec aussi le concert de l'Olympia 1962. J'espère que j'étais assez clair, hein? Mais ne vous inquiétez pas, je vous parlerai de tout ça tout à l'heure. pour vous dire un peu que donc ces deux coffrets Olympia Story 1961-2000 sont sortis donc le 1er décembre à l'Olympia et le 2 décembre dans les e-commerce. Et c'était en deux versions. Il y avait une version coffret 18 CD et 2 DVD. Et l'autre coffret, c'était un coffret de 7 doubles vinyles et qu'on retrouvera tout au long de cette soirée. Êtes-vous prêts pour attaquer cette émission Johnny Hallyday à l'Olympia? C'est maintenant et nulle part ailleurs. Bien sûr, c'est ici, c'est sur RIG. Mais oui, voici Johnny Hallyday. On retrouve Johnny Hallyday à l'Olympia le 21 septembre 1961. Payer même une manche à l'eau pour moi, oui, c'est trop. m'a dit au téléphone, vous n'êtes pas fou, ma femme est un élève, sûrement chez vous. Oh, hey, Polly, hey, Polly, ah, ah. Mais c'est vrai que ma bête, c'est toujours lui. Et avec des cigarettes, chérie, je vas-y. Mercredi 20 septembre au mardi 10 octobre, pour la première fois, le nom de John Hallyday brille en lettres de feu sur le fronton de l'Olympia, boulevard des Capucines. Ceux qui attendaient de voir débouler un jeune délinquant à blouson noir sont pris à revers. Et c'est un beau jeune homme dans un smoking classique et lamé bleu nuit et une chemise blanche à jabot qui leur arrive. À 22h30, après une première partie de programme assurée par Bobby Lapointe, Pierre Etex, Christine Legrand et les Brutos. Dans la salle, le tout Paris est là. On reconnaît Aznavour, Chevalier, Trainé, Vadim, Distel, Régine, la marraine Lynn Renault, mais aussi Dalida et Lucien Maurice réconciliés avec le chanteur. Édith Piaf, venue juger du talent de ce nouveau prince du music-hall, ne sera pas déçue. Voici deux autres extraits de ce concert de l'Olympia 1961. Il faut saisir sa chance. Un petit clin d'œil à Aznavour et Tutti Frutti. Maintenant, vous chantez la chanson d'un très grand artiste et je suis très heureux et très fier d'être son ami, Charles Aznavour. Tu m'as donné la vie par esprit de famille, travailler nuit et jour pour forger mon destin, oubliant les amis, le bon temps et les filles, pour que dans l'avenir je devienne quelqu'un. Il faut saisir sa chance quand elle passe. Saisir sa chance quand elle vient. On ne sait pas d'avance quand elle passe. Par où elle commence, d'où elle vient. Oui. Il faut saisir l'amour après le corps. Il donne tout son être, il donne tout son être, même plus encore. Pour sa vie, car elle passe. Il faut vivre sa vie comme elle vient. Oui, oui, un caractère, et tu ne comprends pas que ceux qui ont 20 ans font les mêmes erreurs que toi, tu finis la guerre. Et tu as l'impression d'avoir perdu ton temps. Alors ma chance, coûte que coûte, je dois avoir ma chance pour que demain je me la délivrance et que mes doutes écrasent l'espérance me rendent demain. Oui. Au ciel comme un défi, le cri de mes 20 ans, le cri de la jeunesse, le cri de la jeunesse qui veut défier le temps. Après ma chance, dans la route, et peu de l'expérience pour me brûler, elle est ma pour me brûler. quelque chose d'un peu plus calme. Quelque chose d'un peu plus doux, d'un peu plus romantique. La salle est déjà debout et prête à s'en aller. Du moins, les gens du tout Paris sont déjà partis, en partie, si j'ose dire. Il reste les jeunes. Cette dernière chanson est chantée de la même façon que d'habitude, c'est-à-dire que Johnny Hallyday est à genoux, le saxophoniste est à genoux, le guitariste est à genoux, le batteur est assis parce que c'est pas facile de battre à genoux. Johnny Hallyday maintenant complètement penché en arrière, alors là chapeau, hein. Excusez-moi, mais essayez de vous tenir comme ça. Le matin, pour faire de la culture physique, c'est pratiquement impossible d'être à la fois penché en arrière, les genoux en avant, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous dire que ça chauffe, eh bien, je ne m'y connais pas assez, mais franchement, ça chauffe gentiment, donc on ne peut pas dire que ça soit la grande folie. Il y en a quelques-uns qui tapent dans leurs mains, mais ce sont toujours les mêmes. Il y en a qui ne sont pas très contents, ce sont les agents civils. D'abord parce qu'ils n'aiment pas ça, et puis en fait, ils croyaient avoir du travail, ils aiment bien ça, travailler un petit peu dans leur manière, et en fait, il n'y a pas de travail, tout se passe le plus calmement du monde. Il y a des houes, des sifflets, il y a des applaudissements, mais c'est tout. Je vous défie de trouver ce soir à l'Olympia le moindre fauteuil est gratuit, le moindre verre de Coca-Cola. Une légère bagarre. Je viens de voir la première bagarre, on sait rien du tout. Un jeune homme vient de se faire expulser par un policier en civil. Cela s'est passé d'une manière assez rapide, activité, vous savez comment on fait dans ces cas-là. Je ne sais pas ce qu'il faisait, d'ailleurs je le demanderai, mais je ne sais pas du tout, peut-être a-t-il tapé trop fort dans ses mains. Je ne sais pas du tout. En tout cas, le rideau se ferme, je crois que la présentation est terminée, et je vais rendre l'antenne, vous laisse entendre les derniers accords de Johnny Hallyday et de son orchestre. C'était le Musicorama de Europe 1 datant du 21 septembre 1961 et vous avez pu entendre la qualité sonore, cette qualité universelle à retravailler à partir de documents amateurs. On entend très bien le petit CD qui fait... Je le fais bien, hein, je le fais bien. Et en tout cas, c'était pas mon document. Voilà, peut-être le un des prochains. On attaque tout de suite avec Johnny Hallyday en 1962 lors du Musicorama. Il y a deux dates. Hein. On va commencer par celle du 31 octobre, l'Olympia 1962 avec Elle est terrible, l'idole des jeunes et pas cette chanson. Tout de suite, c'est sur l'antenne de RIG dans l'émission Johnny de A à Z. Regarde un peu, celle qui vient. C'est la plus belle de tout le quartier. Et mon plus grand désir, c'est de lui parler. Elle aguiche mes amis, même les plus petits. Pourtant pour elle, j'ai pas l'impression d'exister. Mais tout ceci ne m'empêche pas de penser. Cette fille-là, mon vieux, elle est terrible. Et regarde un peu, cette voiture. On la dirait vraiment faite pour moi. Et ils doivent faire bon rouler avec ça. Et la charge que je pense au prix de l'essence, je perds subitement l'envie de me la payer. Non mais tu sais, ça ne m'empêche pas de penser. Cette voiture-là, mon vieux, elle est terrible.

Johnny Hallyday a été à la hauteur de sa réputation. Long, mince, élégant, désinvolte. Avec ce nouveau répertoire, vraiment, c'est l'idole des jeunes qui peut tout se permettre. Désormais, il chante sans sa guitare le plus souvent et il danse beaucoup. Très réussi ce ballet de Mashed Potatoes dont il est le centre et où il fait tournoyer un mouchoir au-dessus de la tête de quelques ravissantes danseuses en collant noir. Après des rappels sans fin, une fois le rideau baissé sur Johnny Hallyday, sur la vedette du spectacle, chose rarissime, il s'est relevé ce rideau sur la finale du concours. Et du 25 octobre jusqu'au 12 novembre, c'est sur un fond de ciel bleu au-dessus de la Méditerranée, vêtu d'un polo rouge et d'un jean, l'index pointé vers l'objectif, Johnny Hallyday invite son public à venir l'applaudir boulevard des Capucines, où stationne une lignée de fourgons de police. Cette photographie de Jacques Aubert, qui sert d'affiche, illustre la pochette du disque Idole des jeunes, le tube du moment, véritable profession de foi de son interprète. Et la presse semble enfin adhérer à sa cause, même si Philippe Bouvard, qui travaillait pour le Figaro, y va de sa verve railleuse. Le géant chlorophyllé commença un récital dont le moins qu'on puisse dire est qu'en dehors de ses qualités vocales, dont je n'ai pas à juger, il fait appel à des qualités physiques indéniables. Tantôt menaçant la selle du doigt, tantôt se tenant le ventre, tortillant du bassin, roulant des hanches, il se servait du micro comme une lance d'arrosage. Voilà. Il tourne un peu sa veste, Philippe Bouvard, qui recevra un peu plus tard à la télévision Johnny Hallyday dans d'autres termes. On revient un peu à Johnny Hallyday, toujours lors d'un musicorama à l'Olympia, et là c'était le 13 décembre. Alors pour l'instant, oui, là je vous ai dit tout à l'heure le 12 novembre, mais apparemment Johnny a fait des prolongations. Faudra refaire des petites recherches là-dessus. Trois titres pour ce Olympia du 13 décembre, un medley avec Je cherche une fille, laisse les filles, Kelly Watch, Souvenir, deux titres, pardon, et après on retrouvera aussi Nous quand on s'embrasse, qui date du 13 janvier 62, en avant-première des Parisiennes. Voici tout de suite une autre partie, et je vous dirai que à l'heure où je vous parle, le 11 décembre, pour avoir ces concerts-là que vous écoutez ce soir, il faut avoir le coffret Olympia Story 1961-2000. Oui, sauf les duos. Les duos, ça vous avez dans la compilation actuellement. Oui, oui. Et si vous vous en souvenez, vous les chantez avec moi, d'accord ? Oh, sur les boulevards, quand on vient le soir, je m'en veux de don. Viens dans les poches, tout dans le regard. Pourquoi ? Oh, pourquoi ? Je cherche une fille. Oh, oh, oh, oh. Je cherche une fille. Et yeah, pour l'emmener faire un petit tour au ciné. Wouh, je cherche une fille. Oh, oh, oh, oh. Mais comme je suis pas prêt de la trouver, je vais garder Dorothy. Ma mère me dit régulièrement, tu ne fais rien, tu perds ton temps. Tu ferais mieux de travailler au lieu de t'en aller. Laisse les filles, oui, laisse les filles, tu as bien le temps d'avoir des milliers d'embêtements, crois-moi. Oui, laisse donc un peu les filles. Oui, laisse donc un peu les filles. Laisse donc un peu les filles. Kelly Watch, Kelly Watch, Kelly Watch. Kelly, Kelly, Kelly, Kelly Watch, Watch, Watch, Watch. K-om, k-om, k-ha. Depuis deux jours, je ne fais que répéter ce petit air qui commence à m'énerver. Killer, killer watch. Killer, killer watch. Killer, killer watch. Killer, killer watch. Killer, killer watch. Killer, killer watch. Killer, killer watch. Killer, killer watch. Killer, killer watch. Killer, killer watch. Killer, killer watch. Killer, killer watch. Killer, watch. Killer, watch. Killer, watch. Souvenir, souvenir, je vous retrouve en mon cœur et vous faites refleurir tous mes rêves de bonheur. Je me souviens des soirs de danse, j'ai contre-jus des rendez-vous de nos vacances quand nous faisions les fous. Souvenir, souvenir de nos beaux jours de l'été lorsque nous partions cueillir mille plans, mille baisers. Et pour mieux garder dans ma tête les joies de la belle saison. Souvenir, souvenir, pour attirer mes copains. Ce soir on se retrouve tous les deux, rien que nous deux. Lorsque fous de désir on tire les rideaux sans les rameaux, un seul mot. Le silence pour seul témoin. Mon amour, on est si bien. Oui, on est si bien. Jusqu'au petit matin que l'on ne demande plus rien. Alors, quand on s'embrasse comme ça. Alors, quand on se regarde comme ça. Alors, quand on s'enlace comme ça. Alors, quand on caresse comme ça. La joie fait rage dans nos cœurs. L'amour brûle les heures. On le tire de bonheur. La pluie fait bien frapper nos carreaux dans. Ouais, et la terre peut bien trembler sous les effets du tonnerre. Ah oui, nous on s'en fiche, on entend rien, on a autre chose à faire. Ah, et quand on s'embrasse comme ça. Elle, quand on se regarde comme ça. Elle, quand on s'enlace comme ça. Elle, quand on s'arrête comme ça. La joie fait rage dans nos cœurs, l'amour brûle les heures, on le tire en heure. Et toi. Chaque seconde nous le révèle. Ah, nous quand on s'embrasse comme ça. Ah, nous quand on se regarde comme ça. Ah, nous quand on s'enlace comme ça. Ah, nous quand on se caresse comme ça. Oh oui, la joie fait rage dans nos cœurs. L'amour brûle les heures. On est ivre de bonheur. Libre de bonheur. Johnny à l'Olympia le 13 janvier 1962 pour l'avant-première du film Les Parisiennes. Maintenant, nous allons revenir à l'Olympia 1964 pour son nouveau spectacle. À l'Olympia, qui s'est déroulé du 6 février au 15 mars 1964, Johnny, lassé des twists, mashed potatoes et autres danses intermittentes, il revient à la musique qu'il aime. Il a retrouvé en Dewey The Showman l'orchestre idéal pour s'offrir une cure de rock'n'roll blues. Dans une France yéyé qui prend goût aux sucreries offertes par les gentillés Claude François, François, Sheila ou Franck Alamo, le choix est risqué, mais Johnny s'en moque. Son départ pour l'armée est prétexte à réaffirmer son image de marque afin de préserver sa place de leader et saluer dignement les copains. Après la prestation de Tiny Young et de Hugo Frey en ouverture du programme, le rideau se lève sur la nouvelle formation au complet, emmenée par Joey Greco, relayé en fond de scène derrière un voilage transparent par le grand orchestre de Jacques Desjans. Présenté par Lee Hallyday, Johnny entre en scène sur une reprise inédite de Presley, Oh cette nuit, aux accents jazzy. Et là, je vais vous proposer une nouvelle version stéréo de l'Olympia 1964 avec Oh cette nuit du 8 février 1962. L'original qu'on a entendu en 2003 date de la soirée du 7 février. Excuse-moi, partenaire, de la soirée du 9 février 62. L'original daté du 8 février. Rien que 8 jours de la soirée du 7 février 62. L'original date du 9 février. Tu n'as rien de tout ça. De la matinée du 9 février. Et l'original date de la soirée du 8 février. Et Shout, de la matinée du 9 février. L'original date du 8 février. Vous avez bien noté, hein? Tout à l'heure, interrogation. Voici tout de suite ces 5 nouveaux extraits, version inédite qu'on retrouve dans ce fameux coffret Olympia Story 1961-2000. Écoutez RIG, la radio de John Hayley, tous les mercredis soirs de 22h jusqu'à minuit. Et là, c'est l'émission Johnny de A à Z. Était venu pour embellir la nuit. Ah, les étoiles étaient là, allant le ciel du. Tu sais baiser, à me rendre fou. Ah, elle m'embrassait, pour des baisers, c'était réellement à des baisers. Quelle art d'embrasser, elle avait c'était oui, croyez-moi, des baisers. Au toucher de ses lèvres, ah, je m'enflammais. Ah, ce souvenir. Me rend fou le désir. Et j'en prie mon cœur car je voulais me rendre. C'est aussi tendre pour me comprendre. À cette nuit, pour une nuit, c'était réellement une nuit. Mais le jour a repris cet amour et la nuit aussi. Oui, je n'oublierai pas ces baisers donnés sous la lune. Je m'en rappelle qu'elle était belle. À cette nuit, pour une nuit, c'était réellement une nuit. L'embrasser me faisait l'aimer. Et j'offrais mon cœur car je voulais me rendre. J'étais si tendre pour me comprendre. À cette nuit, pour une nuit, c'était réellement une nuit. Elle embrassait, elle me faisait l'aimer. Elle n'est plus, non, non, elle n'est plus, non, non. Le jour s'est levé, l'amour envolé. Mais malgré le jour, oui, malgré le jour, je n'oublierai pas. Merci beaucoup. Excuse-moi, partenaire, de venir à toi.

Make me wanna shout, throw my hands up and kick my ears like a drum, throw my arms up and jump, throw my head up and shout. Come on now, come on now, come on now. You know you make me wanna shout, throw my hands up and jump, kick my ears like a drum, throw my arms up and jump, throw my head up and come on now, come on now. I said, salut, c'est Johnny. Johnny en live. Johnny Hallyday et l'Olympia, le lundi 13 mars, concert unique à l'Olympia, au profit de la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, et en présence d'Alain Poher, président du Sénat. Johnny, en costume noir et chemise à jabot, chante, entre autres, Né dans la rue, Oh ma jolie Sarah et Que je t'aime. Et au programme, il y avait en première partie Enrico Macias, David Alexander Winter, oui, le papa de Ophélie Winter, et Rika Zaraï. Et là, carrément, vu que c'est un concert qui est inédit, je vous propose d'écouter l'intégralité de ce concert. Oui, peut-être que vous l'entendrez, vous l'aurez peut-être en CD ou en vinyle l'année prochaine, en 2020, mais sachez que pour l'instant, il n'est disponible que dans le coffret Olympia CD et le coffret Olympia vinyle. Voilà, voilà ce qu'on peut dire, et c'est toujours un document amateur. Ce document a été retravaillé par Universal et plutôt bien retravaillé comparé à la version originale. On écoute tout de suite Je suis dans la rue, et on se retrouve en cours de ce spectacle pour le soutien de la LICA. Johnny Hallyday en 1972, le 13 mars. guitare est en or. Les chansons d'hier sont bien les mêmes que j'aurai. Mais quand la nuit arrive, je retourne dans la rue. Je suis né dans la rue, je suis né dans la rue. C'est ça qui a été diffusé sur France Inter, sauf que France Inter a perdu les bandes, donc nous avons droit à un document amateur retravaillé par Universal. Voici tout de suite Fils de Personne, et vous écoutez toujours RIG et l'émission Johnny de A à Z. Yeah. too loud, man. Yeah. All right. Je t'ai pris de la nuit. Je t'ai pris de la nuit. Vous avez le privilège d'écouter l'intégralité des concerts de Johnny Hallyday à l'Olympia en 1972. Ouais, ce privilège-là, car peut-être que vous n'avez pas ce concert-là actuellement entre vos mains. Et bien ce soir, érigé dans l'émission et l'émission de Johnny de la Z vous propose ce concert-là. Voici tout de suite la fille aux cheveux clairs. De l'Olympia. On peut dire ce qu'on veut, mais ça me rappelle quand même de bons souvenirs. Ouais, j'ai connu le début du vaguement. J'ai connu une marraine fantastique, Lynn Renault. J'ai connu de tas de jolies filles. Vous savez qu'il faut vraiment que je vous aime beaucoup, beaucoup. Il faut que je vous aime beaucoup, beaucoup pour avoir... Pour avoir pu quitter toutes les jolies Italiciennes que j'ai pu quitter. Les jolies filles ont toujours eu beaucoup d'importance pour moi. J'ai commencé à chanter, enfin, c'est-à-dire avant que je commence à chanter. Je n'avais pas beaucoup d'argent. Je chantais un peu avec une guitare où je pouvais. Et le plus souvent, c'était pour pouvoir me payer un sandwich. Et croyez-moi, à cette époque-là, et jamais depuis, je n'ai trouvé un sandwich aussi bon quand on les faisait en 1958. Oui. Ensuite, j'ai commencé à chanter. Et puis, je suis passé Alain Lombard. En première partie d'un artiste que j'admire beaucoup, je veux dire Raymond Debos. Je pense que c'est grâce à lui, c'est lui qui m'a donné ma chance en m'acceptant dans sa première partie, je le remercie. Et à cette époque-là, je me rappelle, il y avait tout le parterre qui était contre moi. Faut dire aussi qu'à cette époque-là, le rock'n'roll était plus ou moins inconnu en France. Alors quand j'arrivais sur scène, faut dire que j'avais l'air un peu fou. Alors maintenant j'ai compris, je ne viens plus comme ça. Je viens comme ça. Et puis quand ça a commencé à marcher un peu pour moi, il y a eu tout ce que les gens ont pu dire sur moi. Ils ont dit, ah oui, mais Johnny Hallyday, c'est moi qui l'ai découvert. Il y en a eu, ouf, je sais plus. Et puis, tout ça pour en arriver là. Un jour, je vais dans un cocktail où j'étais invité pour ma promotion. Publicité. Et je rencontre un garçon qui avait l'air de s'embêter autant que moi. Alors on parle ensemble et puis au bout de 10 minutes, je lui dis, hé vieux, qu'est-ce que tu fais maintenant? Il m'a dit, oh, je sais pas. Si on va au ciné, il m'a dit, d'accord. On a été au cinéma. On est sorti le soir. On a dragué quelques jolies filles ensemble ce soir-là, j'en ai rappelé. Mais on n'a rien fait. Faut dire qu'à cette époque-là, je chantais Laisse les filles. Renvoyez ces souvenirs de rire. Et puis, il m'a dit, où est-ce que tu couches? Je lui ai dit, ben, j'habite l'hôtel. Un petit hôtel très sympathique à Pigalle. Ceux qui en veulent l'adresse, je peux la leur donner tout à l'heure. Et il m'a dit, ben, viens coucher chez moi. J'ai été chez lui. C'était une maison très chouette. On est monté en haut, dernier étage. Et puis, il y avait deux lits, hein. Je tiens à prévenir tout de suite. On s'est couché. On a lu quelques bandes dessinées pour son mieux s'endormir. Et le lendemain, je me rappelle, il y a une dame qui est venue dans la chambre. Et puis alors moi, j'avais les couvertures jusque-là, parce que j'avais très froid. Puis je voyais un œil comme ça. Puis elle regardait mon copain, elle disait, qui c'est? Qui c'est? Et lui, il faisait ça. Et au bout de 10 minutes, je suis descendu en bas, il m'a dit, viens, il faut déjeuner. Et je descends en pyjama. Et je m'assois à la table, je dis bonjour à tout le monde, qui était tout le monde avec des cravates. Et depuis, plus jamais personne n'a mangé avec des cravates là. Et je les remercie parce que je suis resté 4 ans chez eux. Je vais parler de monsieur et madame Pierre Bloch. Et c'est un peu pour elle que je vais chanter cette chanson. De la fenêtre de mon train, un soir j'ai vu une fille qui avait des cheveux si clairs que j'ai cru

chez toi n'ose pas. Quand ta Peter dit non, allez, tu te dis que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Olympia Story, c'est le thème de la soirée de cette émission avec Johnny de A à Z. Ma jolie Sarah, combien j'ai temps encore. Jolie Sarah, que je vais dans ton cœur. concert qui aura duré à peu près 1h30. Et en fin de compte, ils n'ont pu récupérer ou conserver ou garder, hein, du moins France Inter n'a diffusé que 45 minutes de ce concert. Et ce concert se termine par ce titre-là, « Comme si je devais mourir demain ». Le concert se termine par un petit medley, comme le medley de 1971. Sauf que là, nous ne l'avons pas du tout. Et à la fin de ce document, France Inter a dit, ça y est, le concert est terminé, on plie tout, les bagages et tout ça. Voilà. Du grand n'importe quoi, quoi. Et ils n'ont pas gardé les bandes non plus. Nous passons maintenant à l'Olympia en l'an 2000. Johnny occupe la scène de l'Olympia du samedi 17 juin jusqu'au vendredi 25 août 2000. Ça faisait 25 ans que Johnny n'était pas apparu dans ce lieu. Et il revient sur la scène de l'Olympia pour le plus grand bonheur de ses fans qui vont enfin le voir de tout près, le frôler, le toucher. Il est accompagné par le même groupe de musiciens qu'au Stade de France, mis à part le batteur Walfredo Reyes Jr. et un groupe féminin de 6 violons et 2 violoncellistes. On va écouter quelques duos de ce concert-là. Les duos avec Patrick Bruel, Eddie Mitchell, Pascal Obispo, France Gall, Patricia Cass et Paul Persson. Et bien voilà, le premier qu'on va écouter, il date du 22 juin 2000. J'y étais lors de ce Olympia-là. Patrick Bruel vient sur scène accompagner Johnny pour interpréter Gabriel. Maintenant, je vais vous parler d'une fille. Je vais vous parler d'une fille. Vous voyez ce que je veux dire? Une fille. Une fille que vous connaissez. Que vous connaissez tous très bien. Vous voyez de qui je veux parler? Alors dites-moi son nom. Dites-moi son nom. Oui, dites-moi son nom. Dites-moi son nom. Oui, Gabriel. Tu brûles mon esprit, ton amour étrangle ma vie. Et l'enfer. Je veux comme un espoir, car dans tes mains je meurs chaque soir, ouais. Partager autre chose que l'amour dans ton lit. Et entendre. Oh, fini, fini pour moi. Je ne veux plus vivre l'espoir dans tes chaînes. Celui qui veut ma place. 10 ans de chaîne sans voir le jour. C'était ma peine pour faire l'amour. J'ai refusé. Gabriel, tu flattes ton cœur. C'est une illusion de tout ça. C'est la voix d'un enfant avec laquelle tu glaces mon sang. Moi je veux t'expliquer, tu comprends le jour et l'année. Moi je veux t'approcher, mais tu tournes le dos, tu t'en fais. Oh, c'est-tu vraiment ce que tu veux faire? Je ne serai plus l'esclave de la chair. Celui qui veut ma place. Les heures de chaîne sans voir le jour. C'était ma peine pour faire de l'amour. J'ai refusé. Mourir d'amour enchaîné. J'ai refusé. Ce soir, Patrick Bruel, merci beaucoup. Ok, il a un problème de ears, lui aussi, comme Florent Pagny. Mais quand on vient faire un duo, il faut connaître les paroles également. Bah, Eddie Mitchell connaît les paroles. Eddie était là le 28 juin 2000 à l'Olympia avec Johnny. She's the girl in red blue jeans. She's the queen of the team. She's a woman, yes I know. She's a woman, yes. My baby, my baby. 9 feet. She's a woman's got to be. She's a woman goes around the store. Notre duo, John Hallyday, c'était lors du 25 août 2000, la dernière représentation de John Hallyday à l'Olympia de cette année, évidemment. Michel Rock en altitude avec Pascal Obispo. Vous êtes toujours sur RIG dans l'émission Johnny de A à Z. Pas

duo avec Johnny, c'était le 12 août 2000 pour l'avant-dernière fois. Et France Gall remettait les pieds pour la dernière fois sur la scène, sur une scène, le 15 juin 2000, toujours avec Johnny Hallyday sur son morceau Tennessee. Voici tout de suite la musique que j'aime. Version du 23 juin 2000 en duo avec Patricia Cass. La musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes, puis c'est pour exprimer ce qu'est le blues. J'y mets mes joies, moi j'y mets mes peines, et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime. Mais je le chanterai toujours, Patricia Cass. Il y a le temps sur des guitares, des mains noires lui donnaient le jour pour chanter les peines et les espoirs, pour chanter du tout l'amour. La musique vivra tant que vivra. Ça devient le blues. Oui, je le chante autant que je l'aime. Et je le chanterai toujours. Il y a longtemps sur les guitares, des mains noires lui donnaient le jour pour chanter les peines et les espoirs, pour chanter Dieu. ce soir, mademoiselle Patricia Cass avec nous et pour vous. Dans l'actualité discographique de Sur Johnny et pour les périodes de fête, vous avez aussi actuellement le petit combo DVD-CD Un soir à l'Olympia, qui est en gros un best-of de Johnny Hallyday à l'Olympia. On retrouve quelques duos de l'Olympia 2000 et aussi le titre Quelques cris. Et on y retrouve également ce duo, Johnny Hallyday et Paul Person, sur le titre Le bon temps du rock'n'roll. Soirée Olympia sur l'antenne de RIG dans l'émission Johnny de A à Z. Cette émission Johnny de A à Z avec Johnny Hallyday à l'Olympia, retraçant son parcours. Voilà, et cet extrait du coffret Olympia Stories 1961-2000. Je vous remercie toutes et à tous d'avoir participé et d'avoir écouté cette émission. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière émission de l'année. et l'émission est déjà prête. Ah ouais, non, je vous en dis pas plus. Merci encore à toutes et à tous. À bientôt. Bonne nuit. Ciao, ciao. Join me on R.I.G. R.I.G. Oh, la marche, c'est vachement plus ordonné que nous. R.I.G. 90.7. Je cherche plus, c'est 90.7.